Quand je pense B, qu'est-ce que c'est bon? Ces deux cercles liés, symbole de notre union. Une lettre signée B, une carte magique que j'ouvre tous les jours qui me rend euphorique. B, oh oui, ce B suffit à évoquer le plus beau des souvenirs calligraphiés. Oh B, oh pour ce B je pourrais me damner. C'est le demi-cœur dans lequel je mets tout mon amour. C'est le demi-cœur dans lequel je mets tout mon amour. Au pied de B, qu'est-ce que c'est bon? Je ferme les yeux et vois ces deux pieds longs. Ma main qui les masse, ma bouche qui les embrasse. La façon dont elle rit quand elle en jouit. Oui. B, oh oui, ce B suffit à évoquer le plus beau des souvenirs calligraphiés. Oh B, oh pour ce B je pourrais me damner. C'est le demi-cœur dans lequel je mets tout mon amour. C'est le demi-cœur dans lequel je mets tout mon amour. Je pense au sein de B.O. comme ils sont beaux. Mais donc ils les mordissent, ça c'est rigolo. De vagues sensuelles, ces formes universelles, berceau de la tendresse, de l'amour maternel. B, oh oui, ce B suffit à évoquer le plus beau des souvenirs calligraphiés. Oh B, oh pour ce B je pourrais me damner. C'est le demi-cœur dans lequel je mets tout mon amour. C'est le demi-cœur dans lequel je mets tout mon amour. C'est bon, c'est la joie de ma langue qui en explore le fond. Mes doigts qui le visitent, mon sexe qui l'habite. Ces caresses réciproques qui nous surexcitent. Oh B, oh oui, ce B suffit à évoquer le plus beau des souvenirs calligraphiés. Oh B, oh pour ce B je pourrais me damner. C'est le demi-cœur dans lequel je mets tout mon amour. C'est le demi-cœur dans lequel je mets tout mon amour. Je pense encore à B, je me sens un peu con. Je ne sais pas vraiment comment finir la chanson. Peut-être juste en repartant dans mes pensées, en posant ma guitare pour me masturber. B, oh oui, ce B suffit à évoquer le plus beau des souvenirs calligraphiés. Oh B, oh pour ce B je pourrais me damner. C'est le demi-cœur dans lequel je mets tout mon amour. C'est le demi-cœur dans lequel je mets tout mon amour. Oh,